m'as dit que je suis militaire. C'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui s'illade, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, les ligaments qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débile, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégole, les sacrums c'est tout comme, j'ai le nombril tout en ville, les coccyx qui se dévisent. Ah mon dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traque. Ah mon dieu, c'est embêtant, je ne suis pas d'important. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. Tout ce très doux qu'il m'a demandé, c'est bien ça que j'ai répliqué. J'ai la rate qui dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai les murs qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les bigoles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ont dû, les tibias, rapapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui jaillit, j'ai les coups qui dessous, j'ai les seins sous bassin, et bassin qui est bassin. Ah mon dieu, c'est embêtant d'être toujours pas vague. Ah mon dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublé, elle me dit, qu'avez-vous moi, je lui répondis. J'ai la rate qui dit là que j'ai le foie qui est pas droit, la muette trop fumette, le sauvage qui surnage, les gencives qui dérivent. J'ai le balai qui est balai, mais les dents c'est navrant. J'ai les tiges qui s'irritent et les bronzes qui déchaussent. Les gamines ratatinent, les voleurs font la peine. Dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche. J'ai les cils.